Parfois, l'inspiration vient pas, vous ne la trouvez pas, vous n'avez plus d'idée. Et puis un jour, sans prévenir, elle revient. Oui, c'est comme moi, je me suis mis à écrire cet épisode, sans idée particulière de départ. Et puis, j'ai commencé à parler du fait que j'écrivais cet épisode. Et là, l'idée est venue. C'est pas pour vous embrouiller l'esprit, hein, mais bon... Ouais, vous vous en foutez en fait, hein, c'est ça. Bon bah, on continue la bataille alors. Oh non, les Walkers, ils sont déjà là. Ils sont sur le point de détruire notre générateur. Merde, mais y'a pas moyen de boire un café tranquille dans ces engins de merde là. Pourquoi ils ont pas fait un truc qui roule au lieu d'un truc à pattes? Ça fait que de bouger. En plus, ça avance rien. On se traîne avec cet engin de merde. Taisez-vous et pilotez. Je vous rappelle que vous êtes payé pour ça. Piloter, hein, c'est un bien grand mot, hein. Le truc, il avance tout seul, juste à tirer. En plus, qu'est-ce que vous voulez qu'on voie dans cette putain de vitre de merde? Elle est trop petite, le machin. Insultez encore une fois les merveilles technologiques de l'Empire, et je vous redescends au stade Apathe et au casse-pipe. Oh, c'est bon. Unité mobile, couvrez les walkers et tirez sur les tourelles. Non, les tourelles, j'ai dit. Les tourelles, oui, j'ai bien compris, les tourelles, oui, ça sert à rien de crier, bon sang. Excusez-moi, je me croyais un peu trop dans l'ambiance. Ouais, bon, À tous, couvrez les walkers, détruisez-moi ces tourelles. Oui, bien reçu, mais ça sert à rien de gueuler comme ça, hein. Mais quelqu'un complètement pour ton cul, connard. Qu'aviez-vous à l'intersection de cette tranchée? Un stop. Recaler. Non, pitié, laissez-moi une chance. N'insistez pas. Bien, il faut trouver un plan de défense, et rapidement. Sinon, on va se faire massacrer. Voyons si je n'ai pas encore perdu la main. Papaye ? Oui. Cavalier en C3. Merde, échec. Ah ah ! Vite les gars, je viens de remarquer qu'on n'est pas encore apparu dans l'épisode Raymond et moi et... Et alors ? Ben, on est quand même les personnages principaux, non ? Ouais, bon, tu voulais dire quoi ? On peut pas se concentrer une minute sur la bataille plutôt que sur le jeu d'échecs. Ah ouais, on y va, mais ça sert à rien de crier. Oh, bon les gars, on se reprend. Jason a raison, l'épisode part un peu en couille. Faut arranger ça, en avant. Mais on a pas de plan, Oh, mais on voit sur place. Ya. T'as beaucoup d'autorité, dis donc. Ah, merci. Allez, bon, faut y aller. Les enfants, il faut qu'on trouve une stratégie, et rapidement. Ça sert à rien de leur tirer dessus. Leur blindage est trop puissant. Il faut trouver autre chose. Oh, mais vous emmerdez les auditeurs à rien foutre, là. Nous, on y va. Yeehaw. Bon, bah... À l'action, les gars. Suivons-les. Attention, papa. Vous avez un chasseur qui vous colle. Reçu. Bon. Ah, ils veulent pas me lâcher. Ah, je suis touché. Je suis désolé, les gars. Bonne chance. Papa ! Non ! Ah ! Les ignobles ! Ils dirent que je gagnais cette partie d'échecs. C'est pas juste. Attention, Jason ! Des chasseurs arrivent par les côtés. Ils ont compris le signe. Ah ouais ? Pour qu'on nous différencie ? Bonne idée, hein. Bah, mettre un drapeau avec écrit en gros dessus « J'encule l'Empire », c'est pas la meilleure idée que t'aies eue, non ? Ah, bah si on peut plus s'amuser, hein. On arrête de parler, faut agir, fonce. Mais ils nous suivent toujours. Ouais, ils veulent pas décrocher. Ok, on va passer sous un walker. Oh non, non, non. Ah, on passe. Ils se sont tous crachés dessus, on est les meilleurs. On sera les meilleurs quand les deux walkers seront tombés. Pour le moment, on n'a pas vraiment de strat. Les gars, restez pas groupés. Les walkers ont des tirs trop puissants. Faut leur arracher la tête. Ils sont abattus l'unité flambée. Du calme, j'ai peut-être une idée. Croutard ? Yep. Essayez d'utiliser votre harpon sur les jambes du walker. Les autres, couvrez-le. Je vous rappelle que les chasseurs papillonnent autour. Ça se tente, je vais essayer. C'est bon, Croutard, on vous couvre. Tirez votre câble. Reçu. Yeah ! Il l'a eu ! Ligotez-le, Croutard ! Wow! Wow! Ha ha! Je joue un coup de doigt! Super, les gars! Du grand art! Maintenant, faut faire tomber l'autre! Ça sera du gâteau! Sauvons notre générateur! Équipe terrestre? Ouais. Occupez-vous des dernières unités terrestres ennemies! On se charge du dernier Walker! Bien reçu. YOLO. On va tout donner! C'est parti! Et c'est ainsi que la bataille de Hoth s'acheva. Oui, bah quoi, fallait bien qu'on termine, on n'avait plus d'idées, voilà, donc on va terminer sur ça. C'est pas mal, hein. Et donc, s'achève cette série en 3 épisodes. C'était plutôt court, mais ça valait des tours, non? Hein? Maintenant, vous avez une bonne idée de ce qu'est une série MP3 et... Bah t'es passé où, Simon? Simon? Ouais. Ah, t'es là, super. Bah, depuis le début, en fait. Ah ouais, bon, tu veux faire une petite conclusion? Ouais, chers auditeurs, est-ce que ça vous dirait de nous suivre? Nous allons vous faire visiter l'Imaginarium. Ils peuvent pas te répondre, en fait. Ouais, hein, mais m'en fous, c'est bon, hein. On va se mettre en route, vous verrez. Écoutez, vous n'aurez pas à le regretter. Nous allons faire un long et périlleux voyage jusqu'au mur. Quoi, non? Non, pas le mur de l'Imaginarium, des marteaux. Oh, à peine quelques jours de marche, faut bien leur montrer les limites. Non, pas question. Fais pas ton peureux, on va juste leur faire visiter. Bon, mais on suit juste un chemin droit, parce que la dernière fois, on est tombé dans une fosse sonore et on en a eu du mal à s'en tirer. Oui, bon, allez, c'est parti. On leur montre quoi en premier? L'usine des musiques, ça pourrait être cool. Allez, c'est parti. Ah, vous êtes donc ici, dans l'atelier de création des musiques. C'est ici que tout est fait. La musique donne un rythme important à la série MP3. On va traverser l'atelier et sortir par derrière. On vous montrera ensuite les ateliers bruitages. Voilà, on est un peu plus au calme. Bon, par contre, moi je pense que c'est pas utile de leur montrer l'atelier bruitage. Mais pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop grand, et puis ce que veulent voir, écouter les auditeurs, c'est pas des milliards et des milliards de sons pourris. Ouais, t'as raison. On va passer par le mont Echo pour qu'ils puissent s'imaginer le sublime décor qu'on peut voir de là-haut. Ah, bah ça c'est une bonne idée. Allez, en route. Bon, j'espère que vous êtes des bons grimpeurs. On vous emmène en haut du mont Echo, et ensuite on redescendra sur la vallée Nostalgie. Ça sera cool, et en plus, il y a un super village là-bas. Tout à fait typique. Bon, sors les cordes, faut qu'on grimpe. Allez. Je me rappelle plus. Combien de temps on doit grimper pour arriver là-haut déjà? T'inquiète, on sera au début du prochain épisode. Ah bon, bah ça va alors. C'est utile les ellipses. Économise ta salive et grimpe.